célèbre pianiste François Bourassa le 6 avril et le grand saxophoniste Branford Marsalis le 27 avril. Aussi, le meilleur de la musique du monde avec le légendaire septuor cubain Septeto Santiaguero le 6 avril et la grande vedette Kabil Idir le 25 avril. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Ce mois-ci au Palais Montcalm, vivez la musique à son meilleur. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté, au choix musical, à la mise en onde, et Marc Chaunet au micro, à la présentation. Et alors, c'est comme je le disais, Bruno qui a préparé le choix musical pour ce soir. Comme d'habitude, toujours de la bonne musique rock progressif. Puis on se promène pas mal à travers le monde là, avec... ce choix musical, on va commencer. Il me semble qu'ils sont de l'Écosse, hein? Comedy of Errors, qu'on a vu à Terra Incognita l'an dernier, et leur nouvel album House of the Mind. Puis c'est également un extrait qu'on peut trouver sur la compilation New Species qui va avec le magazine Progressist 91. Parlant de ce progressiste-là, il y a également sur la compilation des Indispensables un extrait de l'album du groupe Soup tiré de leur nouvel album, là, la pièce Sleepers. Donc on commence avec ça. Et puis, on vous rappelle que dans deux semaines, le 15 avril, il y aura Eden Song au Centre d'art La Chapelle avec en première partie The Night Watch. Le 18 avril, il y a Neil Morse qui s'en vient, un spectacle acoustique Life and Times à Jean-Paul Tardy. Il y a Stephen Wilson, c'est complet le 20 avril. Également, il y a Terra Incognita qui s'en vient les 18, 19 et 20 mai. Et on vous en reparlera un peu plus tard. Puis également Arena, après ça, la semaine d'après, au Cégep Garneau. Et il y a également The Morse Code de l'Héritage là, qui fait un spectacle à Jean-Paul Tardy, il me semble que c'est le 11 mai. Il faut surveiller ça pour tous ces spectacles qui s'en viennent. Et, donc on y va tout de suite en musique avec Comedy of Errors et Soup. We'll be right back. Of the night.

Thank you. le plein air, la foule sont parfois de rudes adversaires pour le micro. CKRL 89.1. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, there are ways to make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. N'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. L'Apparition, Le Brio, le Festival du film étudiant de Québec, Madame, Le Maître et l'Enfant, La mort de Staline, Phantom Thread, Player One. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Et de retour, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe norvégien Soup, tiré de leur album Remedies, leur quatrième album, paru en 2017, et c'était la pièce Sleepers. On avait eu, pour débuter, le bloc musical Comedy of Errors, de l'Écosse, ils sont de Glasgow, formé en 84, et c'est leur plus récent album... House of the Mind, c'était la pièce titre. On poursuit, c'est le choix musical de Bruno, comme je le rappelle, et on a en deuxième bloc le groupe américain Troposphere et également le groupe China's Beard. Il me semble qu'ils sont de la Suède ou de la Norvège. En tout cas, c'est des Scandinaves, ça c'est sûr. C'est un album de 2010, Shades of Tomorrow, et la pièce In the Wake of the Crescent Moon, mais pour débuter, on y va avec Troposphere et la pièce Lighter Than Air. Thank you.

E. Cette année, le Radioton de CKRL vous sera présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Le ministre de la Capitale-Nationale, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, député de Jean Talon, Sébastien Proulx. La ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, députée de Crémazie, Marie Montpetit. Le ministre de l'Emploi et de Solidarité sociale, député de Charlebourg, François Blais. La députée de Taschereau, Agnès Maltais. Le député de Jean Lesage, André Drolet. Le député fédéral de Beauport, Limoilou, Alupa Clark. Et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Ce mois-ci, au Palais Montcalm, Maison de la musique, ne manquez pas le meilleur du jazz avec le célèbre pianiste François Bourassa le 6 avril et le grand saxophoniste Branford Marsalis le 27 avril. Aussi, le meilleur de la musique du monde avec le légendaire septuor cubain Septeto Santiaguero le 6 avril et la grande vedette kabyle Idir le 25 avril. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Ce mois-ci au Palais Montcalm, vivez la musique à son meilleur. Et de retour avec Bruno Côté et Marc Chaunet pour l'émission Terra Incognita. Et ben, c'était le choix de Bruno, puis c'était vraiment excellent. C'était de la Finlande, Chinese Beard. Et c'est un album unique hein, jusqu'à maintenant, réalisé en 2010, Shades of Tomorrow. Et ben, c'est le projet de Trimo Kyrki. Donc, qui est un multi-instrumentiste. En fait, c'est lui qui faisait tout là, sur cette pièce-là. Puis c'est vraiment impressionnant. On n'aurait vraiment pas dit que c'était réalisé par un seul homme. C'était la pièce In the Wake of the Crescent Moon. On avait débuté avec le groupe américain Troposphere. Eux aussi, c'est leur premier album. Et c'était la pièce Lighter Than Air des États-Unis. Alors, maintenant, pour le troisième bloc, je vous parle, deux secondes. Le festival Terra Incognita, ça fait 14 ans, la 14e année maintenant que le Terra Incognita présente un festival de musique. Et ben, y a une belle place pour des groupes québécois. On débute le 18 mai au Centre d'art La Chapelle, c'est un vendredi soir, avec Time for Pink Floyd, avec des musiciens d'un groupe montréalais, Amadriade, et qui recrée donc la magie de Pink Floyd le 19 mai. Donc le samedi, il y a Circus, qui est un groupe de Trois-Rivières, qui viendront présenter leur premier spectacle. Amadriade, qui présente leur nouvel album Black Hole, et Wobbler de la Norvège, donc le 19 mai au Centre d'art La Chapelle. Et le 20 mai au Centre d'art, il y a Cellar Noise, c'est un nouveau groupe italien qui ont fait paraître un excellent album l'an dernier, A Light, leur premier disque. Aerostation, ensuite de l'Italie également, avec Alex Carpani et également le batteur qui était dans Mangala Vallis. Et j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter, puisqu'ils n'ont pas encore réalisé d'album et ils travaillaient sur ça. Mais Alex Carpani a beaucoup d'expérience avec mes 4 albums, c'est pas 5 en carrière. Également, donc, le 20 mai, Moon Safari de la Suède, qui seront à leur première visite au Canada. Et c'est à ne pas manquer, donc Terra Incognita. Et le 15 avril prochain, au Centre d'art La Chapelle, Eden Song des États-Unis, et également le groupe canadien de Night Watch, à ne pas manquer. On y va en musique, donc, avec un troisième bloc. On va débuter avec Beardfish qui maintenant qui ne fonctionne plus comme groupe, puisque Richard Schoblum est en solo, et également avec Big Big Train. Leur dernier album, donc, en carrière, Plus 4626 Comfort Zone, la pièce If We Must Be Apart, A Love Story Continued. Et ça va être vraiment excellent. Il y aura une pièce de Eloy tirée de The Vision, The Sword and the Pyre, parue l'an dernier, en 2017, leur plus récent album, la pièce de Prophecy. Et on aura également de Professor Tip Top de la Norvège, tirée de Exobiology. On y va tout de suite avec Beardfish. We'll be right back.

in brightest light. The child of light with heaven's might will finally tear the enemies down. Regaining your freedom and crown. A white circuit banner flowing held up high, shining clear and bright. Inspired by her battle cry, a mighty roar is filling.

Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Et de retour, ce qu'on a entendu juste avant, c'était Professeur Tip Top, c'était très planant, hein? De la Norvège, Exobiology, c'était le titre de l'album, mais c'était la pièce Exobiology, Part 2. Et juste avant, il y en avait eu une pièce de Eloy, le plus récent album, The Vision, The Sword and the Pyre, la pièce de Prophecy, et également il y avait Bellfish qui avait débuté avec If You Must Be Part. De l'excellent Plus 4626 Comfort Zone, le dernier album qui a été réalisé par Baird Fish. Alors on y va maintenant avec groupe du Royaume-Uni, Tree Trap Tigers, l'album Silent Earthling, c'est un nouveau groupe. On aura également du nouveau Samurai of Prague, Archive IRM, la pièce From the Window, et on termine avec l'excellent groupe Giorgio, également un groupe scandinave, excellent album Jorg et la pièce Jorg 2. On y va tout de suite en musique donc avec Tree Trap Tigers. We'll be right back.